Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, on a fini le ders al-Awwal. Ça n'a trop lourd l'yom, inshallah ta'ala, fi ders al-Thani. Wa mazalna fi moudou' fi souq. Toujours fi souq. Taïb, n'a khouz al-kidimat al-jadida. Bada yabdou. Adha fi'alun. Dans le sens apparaître. Souvent traduit par apparemment dans la phrase. Semblait, non ? Il semble, apparemment. La shakka, ça c'est aucun doute. Mu'zam, ma'na akthar. Voyez, la plupart, la majeure partie. Azahou. Mahallat, mahallat c'est les magasins, c'est les boutiques. Un mahal là-bas c'est un endroit. Mais là il vise quoi? Mahallat, c'est-à-dire les magasins qui sont dans un centre commercial. Mahal. El-Hiwar, c'est la conversation. Jahiz, c'est quelque chose qui est prêt. El-Malabi, c'est Jahiza, c'est des prêt-à-porter en fait, il va le dire. El-Akmisha, c'est le diam de Kumash, c'est le tissu. Tissu étoffe. Tijariya, c'est commercial. Ça donne le tijar. Al-Jumla, c'est en gros. Quand même, Al-Sir al-Jumla, c'est le prix gros. C'est le bia. Tu vois, ça n'est cool. Mahal, l'ilbia al-Jumla. Ça, c'est un magasin qui vend en gros. Qalla yaqillu, c'est une chose qui est. Je sais pas, il y en a qui est peu. Diminué ? Qui est peu, ouais, diminué. Mutafarrika, ça c'est à l'unité. Ou Mufarraka, Abel. Mufarraka, c'est le axe de Jumla. Vous voyez ? Mufarraka, c'est à l'unité. Ashab, là, s'ils veulent dire par là, c'est le jam de Sahib. On dit Sahib al-Mahal, c'est le propriétaire de la boutique, masalan. Sahib, ça va avoir plein de sens. De compagnon. Là, on dit Sahib Fulen. Sahib al-Mahal, c'est celui responsable du Mahal. Ou al-Ma'arid. Ce sont les stands, on va dire, choses comme ça, là où la marchandise est exposée. À Kaza. À la base, Ma'arid, c'est une exposition. Ma'arid, c'est ça. Taïb, Hélène, Nakra, El Hiwar. Zamin, le troisième. Mu'zam, Ma'na Aksar. Attar. Aksar. La plupart. طيب انا ساقرا نص حسن وانت مصطفى نبدا ما اجمل هذا السوق انه كبير جدا ومنظم اوكي دي لا ما اجمل سي une forme d'exclamation c'est un tarajjum dit comme est beau ce souk il est certes grand très grand et structuré on va dire organisé تفضل لا شك في ذلك فإن هذا السوق هو أكبر سوق في المدينة نعم je dis aucun doute sur cela car ce souk est le plus grand souk dans la ville نعم من أين نبدأ إنني أرى أمامي مجلات تجارية للملابس الجاهزة والأقمشة Il dit par où on commence ? Car je vois devant moi des lieux de commerce. Enfin, c'est un magasin, mais les deux ensemble, c'est un commerce. Des boutiques de vêtements prêts à porter et de tissus. Mustapha ? Yabdou. Anna. Adihi. محلاتي عفوا بد محلاتي نعم تبيه بضائعها لسان الباء هذا باء بضائعها بالجملة ولذلك يشتري من أصحاب للحمارد المعارض. Donc il dit, apparemment, ou il semblerait que ces boutiques vendent leurs marchandises en gros. Bada'ir, c'est le djem de bida'a, manas sil'a, marchandises, les articles. Produits en gros, voilà. Hein? Apparemment, il y a peu. Yabdou? Ah ouais, apparemment. Il semblerait. C'est pour cela que les gens, on va dire des autres boutiques, achètent quand même ceux qui ont des ma'arid, ils achètent de là. Ils achètent dans les magasins qui vendent en gros pour leur boutique pour vendre à l'unité. ولهذا يقل الزحام عليها وأما معظم المحلات المزدحمة التي مررنا بها ونحن في الحافلة فهي تبيع بضائعها مفرقة. Donc il dit, c'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup, on va dire, de monde dans ces magasins qui vendent en jumla. Yaqillu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup. Mais la plupart, mu'azzam, c'est-à-dire la majeure partie des magasins qui sont bondés, que nous avons vus, il y en a par lesquels nous sommes passés, alors que nous étions dans le bus, ils vendent leurs marchandises à l'unité. Ça vient de Marro et Amurro, c'est passé. Dans le sens que nous sommes passés, nous avons vu. Ziham, c'est la foule. Une chose qui est Mustahama, c'est une chose qui est bondée. Zahma, c'est la foule. Non. طيب. قال في تدريب الأول أكمل كما في النموذج. Comme dans l'exemple. عندنا ثلاث كلمات نحتاج أن نضيف إليها كلمات أخرى حتى نكون جملة. On a trois mots et nous devons rajouter d'autres mots pour en faire une phrase. مثلا السوق كبير مزدحم. C'est quoi l'exemple? ما أجمل هذا السوق إنه كبير جدا ومزدحم. Donc là, on fait pareil comme dans l'exemple, avec les phrases qui sont en dessous. عندنا الأولى السيارة نظيفة جديدة. La voiture propre, neuve. Index, Sofiane. Tarjim. Comme est belle. Majmala, c'est une forme de ta'ajjub. On a dit que t'es impressionné par la chose. Tu dis comme est belle. Comme est belle cette voiture. Elle est propre. Très propre, tu dis. Très propre et neuf. Non. Thaniyan, عندنا المدينة كبيرة جميلة. On est beaucoup connu. Tfaddal. Ma ajmala. Ma ajmala. Hadihi al-madinata. المدينة. إنها كبيرة. تن. كبيرة جدا. جميلة. نعم. كم يغون في الدويل. أيوة بزي. كم ال. كم يغون في الدويل. كم يبل في الدويل. Elle est grande. Très grande plutôt. Très grande. Et joli. نعم. القميص رخيص مناسب. ما أجمل هذا القميص إنه رخيص ومناسب. ترجم. Combien? الحوار قصير سهل. لا ما معنى سهل؟ نعم. ما أجمل هذا الحوار. إنه كثير جدا سهلا وسهل. ترجم. كم إلى بيان سو ديالوغ il est كثير il est petit court il est très court et facile. نعم. الأقمشة كثيرة مختلفة الأنواع. ما أجمل هذه الأقمشة إنها كثيرة جدا ومختلفة الأنواع. أيوة تفضل. كالبو تيسو نعم مختلف الأنواع بكل سورت. الحديقة مزدحمة نظيفة. ما أجمل هذه الحديقة الحديقة إنها مزدحمة جدا نظيفة. Comme Ibus, ce parc. Ce parc. Le jardin. Mouzdahima, il est bondé. Il est bondé. Très bondé. Il est très bondé et il est propre. طيب. التدريب الثاني. أكمل الجمل التالية كما في النموذج. النموذج يقول أكبر سوق في المدينة. الإجابة لا شك في أن هذا السوق هو أكبر سوق في المدينة. Donc l'exemple c'est les phrases qu'on a c'est le plus grand souk dans la ville. Là il veut que vous ajoutiez في البداية لا شك في أن هذا السوق هو أكبر سوق في المدينة. Pas le doute dans ce souk qu'il est le plus grand souk de la ville. Donc là tu rajoutes لا شك في أن هذا et après أيوة le reste de la phrase. الجملة الأولى أقرب بقالة في الشارع. لا شك في أن هذه البقالة أقرب بقالة هي أقرب بقالة في الشارع. نعم. Pas le doute que cet épicier est la plus proche de et qu'elle est quel est le plus proche Bekala dans le, de la rue. La chèque fi inna hada. Attends, Asharu Tiflin fil usra. Le petit enfant dans la famille. La chèque. Na. Fi. Anna. Na. Hada. Al. Asharu. La. أن هذا الطفل هو أسفار طفلين في أسفار في الأسرة نعم pas le doute cet enfant est le plus petit des enfants de la famille. نعم. أقل سعر في السوق le plus bas prix dans le souk. أقل c'est le عقد أكبر. C'est de Khalil, c'est le, ils sont en ville de Khalil. Akallu. De Aksar. La chèque fi enna hada si'irin huwa akallu si'irin si'arin. Si'arin fi souq. Naam, tarjim. Il n'y a aucun doute que ce prix est le prix le plus faible de ce marché. Naam. Ajmalu funduqin fi al-Madina. Plus beau hôtel. Plus beau hôtel de نعم. لا شك في أن هذا الفندق هو الجمل Fundukin fi al-Madina. Sainte. Il n'y a pas de doute que cet hôtel est le plus joli hôtel de la ville. Sainte. Arkhasu ma'aridin fi souk. C'est, on va dire, le stand le moins cher du souk. La secte fi. La secte fi en la hava. Ma'aridin. Arkhasu ma'aridin fi souk. أكبر رجل في مدينتنا. Le plus grand homme dans notre ville. La سوق في أن هذا الرجل. الرجل. في أن هذا الرجل. رجل هو أكبر. Madinatina. Notre ville. Il n'y a aucun doute, ce garçon, cet homme, est le plus grand homme de notre ville. Naam. Ahsant. Tayeb. At-tadrib al-thalith. Akmil kama fi an-namuzaj. An-namuzaj yaqul: Al-mahallatu al-mustahimatu tabi'u bada'i'aha مفرقة. الإجابة: أما المحلات والمزدحمة فتبيع بضائعها مفرقة. طيب لا يبغضنا وسبيه ده. أما التفصيلية. Il dit que la première phase, le namouzaj, c'est que les boutiques qui sont bondées sont celles qui vendent leurs articles à l'unité. طيب. Après, la nouvelle forme, c'est amma al-mahallatu wal-muzdahimatu fatabi'u bada'i'aha mufarraqatan. Il dit quand, là ce amma, traduit par quand, pour préciser. Parce qu'à la base, c'est censé être précédé par une autre phrase qui parle d'autre chose. Pour que tu arrives à différencier entre les deux choses. Ensemble, tu vas dire hadhihi al-mahallatu al-fadiha. تَبِيعُ بَضَيْعَهَا بِالْجُمْلَةِ. Tu vas dire, مثلاً, ces boutiques vides vendent leurs articles en lot, en gros. ثُمَّ تَقُولْ أَمَّا هَذِي الْمَحَلَّاتَ الْمُزْدَحَمَةِ فَتَبِيعُ بَضَيْعَهَا مُفَرَّقَةً. Et quant à celles-ci, là tu différencies, tu parles d'autres, distinctes, qui sont remplies, ces boutiques qui sont remplies, elles vendent leurs articles à l'unité. كفي كل عز وجل وما لجيمة فلا تقهر وما سائلة فلا تنحر. Et quant à l'orphelin, ne le rejette pas. C'est amma tafsiliya ou tafsiliya. Elle vient pour différencier entre les choses. On l'a pris dans kitab 1 de Kutub al-Madina avant, ou kitab, je sais plus dans quel livre on l'a pris. طيب. Maintenant on va تطبيق ذلك على هذه الجمل. أولا السيارة الصغيرة تقف في الموقف. La voiture, la petite voiture stationne dans le parking. موقف on est là, à ce rôle là, à la base c'est parking. عندك Ali. Ah oui, autre précision que j'ai oublié de dire. Là il faut réussir à trouver la phrase d'entrée et la phrase de sortie. Ou le mutadal khabar. Car amma, il rentre au début, et après tu différencies. Tu coupes par un fa. Comme là, ils ont mis, مثلاً, amma al-mahallatu al-muzdahima fa tabi'u. Là, il y a un fa qui est venu. À la base, amma, il rentre dans le mutada, et le fa, il rentre dans le khabar. Donc, il faut trouver la séparation de la phrase. D'ailleurs, à la base, c'est le khabar. Amma rentre avant le mutada et le fa il rentre dans le khabar. Tamam. Là, c'est à toi de distinguer c'est où qui est le khabar de la phrase. Facile, là, ils sont faciles, là, cette phrase-là. Amma al-sayyaratu. Al-sayyaratu. Al-sayyaratu. Sayyaratu. Fatakifu. Fatakifu. Fatakifu. Fatakifu. Fi al-mawa. Fi al-wamakif. Fi al-mawakif. عزاو. أما السيارة الصغيرة Fatakifu fil mawqif. C'est ça. Et quand tu as la petite voiture, elle stationne dans le parking. Arukabu al-musafiruna yadkhuluna min al-babi al-awwal. Que les passagers, voyageurs, rentrent de la première porte. Amma rukab al-musafiruna. Pourquoi tu changes l'arabe? Ah ouais. Pourquoi Moussafiri? Pourquoi tu changes? Je sais pas. C'est Moussafiruna. Ah oui, je vois pas. L'arabe, elle change pas là. Ah, je vois pas exprès. Amma rukab al-musafirun fa yadkhuluna min al-bab al-awwal. Naam. C'est ça. Amma rukab al-musafirun fa yadkhuluna min al-bab al-awwal. المحلات الكبرى تظل مزدحمة يعني les grands magasins sont toujours bondés. تظل là-bas c'est continué, tu vois, tout le temps rempli. أما المحلات الكبرى فتظل مزدحمة فتظل مزدحمة نعم. Kubra, c'est le moins 9 ou Alexandre de Akbar. Mais on ne met pas tout le temps Kubra en toute situation. Il y a un tafsil. Ce n'est pas tout le temps, tu vas dire, Masalène, Fulana, Kubra, min Fulana. Là, tu vas dire Akbar, min Fulana. Tu dis Kubra, il se tafsil lorsqu'il n'y a pas de comparaison avec la chose. Par exemple, tu vas dire Fatima, Akbaru, min Aisha, Masalène. Par contre, tu vas dire, là, tu vas dire, Fatima est plus grande que Aïcha. Le istifdil, il reste pareil. Il reste singulier et il reste masculin. Donc tu dirais, El muslimouna ahsan al kuffar. Les muslimouns sont meilleurs que les kuffars. Tu ne vas pas dire ahsanoun. Tu ne vas pas mettre un jam. Il va rester quand même singulier et masculin. Par contre, si jamais ça vient tout seul en wasf, tu vas dire par exemple, quelqu'un va dire Fatima hiya al-kubra fil bayt. Fatima est la plus grande dans la maison. Il n'y a pas de comparaison avec quelqu'un d'autre. Là, tu vas dire kubra. Tu ne vas pas dire Fatima hiya al-akbar. Non, tu vas dire al-kubra. Taïb. Al-manazilu. On a pris la phrase? Non, on a pris la phrase. Al-manazilu al-jadilatu taqa'u. Les nouvelles maisons sont situées à la fin de la rue. Non. Arukabu al-qadimuna yakhrujuna min al-bab al-thani. Les arrivants, passagers arrivants, sortent de la deuxième porte ou par la deuxième porte. تفضل. أما الركاب القادمون فيخرجون من الباب الثاني. نعم أحسنت. طيب. Maintenant les ceux qui vont suivre là, ce sont ceux qui seront à faire à la maison inshallah ta'ala. يقول تدريب رابع استعمل تعبير أما تعبير ما أجمل في خمس في خمسي جملين مثلا ما أجمل هذا الشارع. Donc, il veut que tu utilises l'expression de ta'ajoub ma ajmala dans 5 phrases. 5 phrases. Chacun fait une phrase, 5 phrases différentes, et dans chaque phrase, il y a ma ajmala. Et tu peux utiliser autre chose, tu peux dire ma akbara, ma ajmala, ma askhara, qu'est-ce qu'il est petit, qu'est-ce qu'il est grand. Mais lui, il veut ajmala. Ajmala, bas. Non, celui qui veut plus, là, bas. نعم. الخامس رتب كلمات الآتية لتكون جملا مفيدة. Donc là maintenant on a des mots dans des ordres, faut les mettre dans l'ordre pour pouvoir faire une phrase qui a un sens. Faut tout mettre dans l'ordre. الجملة الأولى داخل à l'intérieur كثيرا beaucoup الجاهزة prêt رأى c'est voir المتجر المتجر c'est le magasin, c'est le commerce الملابس les vêtements من معروف حسن bon. Deuxième, amam, devant, tijariya, commerciaux. Biljumla, en gros. Tabir, elles vendent ou ils vendent. Yaqillu, c'est être peu. Al-Mahallat, c'est les boutiques. Al-Izdiham, c'est la foule en soi, c'est le bondage. Je vois comment on dirait. Al-Lati, ismousul. Thalithan, wayabi'unaha, ils les vendent. Ashabul Ma'arid, les propriétaires des stands ou des petits magasins. Tujjar, c'est le jambe de Tajir, c'est le commerçant. Yashtari, il achète. Al-Jumla, c'est en lot, on a dit en gros. Min, ma'alouf. Al-Mushtariina, pour les acheteurs. Al-Bada'i'a, les marchandises, les articles, produits. Pour ça, vous devez remettre les phrases dans l'ordre. ثم قال التدريب السادس سيزيام استعمل كل كلمات من الكلمات التالية في جملة مفيدة. Maintenant les mots exposés doivent être utilisés dans des phrases qui ont un sens. Et cette fois, il n'y a pas de hors-piste. Cette fois, quand même, on reste sur les rails de l'exercice. On ne change pas le mot. Quand même, pareil. Yakul bada, on a pris bada. Izdiham, on l'a pris, c'est la foule, ce qui est bondé. Yaqillu, mahallatun, al-ma'rid, la shakka, sagirun, al-ziham. Donc ces mots-là, vous les mettez dans des phrases. Si vous voulez, une seule phrase, deux phrases, trois phrases, comme vous voulez. السابع كون من كل كلمتين مما بين القوسين جملة مناسبة مع إضافة ما ترى ما تراه مناسبا. Donc il dit maintenant les deux mots que vous avez dans les entre parenthèses ou de faire une jumla en rajoutant ce que vous voyez qui convient. Maintenant vous avez deux mots, à vous de faire une nouvelle phrase avec ces deux mots et rajouter ce qu'il y a besoin d'être rajouté min indikum de vous-même. الأول عندنا بدا ثم اليوم. C'est une phrase avec les deux. Deux mots dans la même phrase. ثم اشترى كثيرا. ثم الشارع الزحام. ثم الأقمشة السوق. ثم مرة ومعظم. ثم المحلات والتجارية. ثم رأى أمامه. ثم المعارض ليلى. Leïla. Leïla, c'est un moment, c'est un dhorf zemen. C'est deux nuits. Et Leïl, c'est la nuit. C'est vous dire que Anna wasaltu Leïlan. Je suis arrivé deux nuits. C'est un dhorf zemen. Vous dire que ma falan. Ma vayati bad nahar, t'as qu'il Leïl. Qu'est-ce qui vient après la journée? La nuit. Pas pareil. C'est le même mot à la base, mais l'arabe est différent. Donc dans la phrase, ça aura un autre sens. Leilatoun, c'est une nuit. Et Leil, c'est la nuit. Comme par exemple, tu vas dire la pomme, tout faire, une pomme, tout faire, ha, avec un ha à la fin. Tamr, c'est la date. Une date, tamra. Ism jins. L'un, c'est ism jins ou ism jam, et l'autre, c'est ism mufrad. En fait, il ne le trompe pas. Leilan, il est utilisé comme il était mansoub. Leilan, avec... Là, il est mansoub, là. Non. Et on finit par le huitième, ce ne sera pas le neuvième. Là, c'est poser les questions qui reviennent aux réponses qui sont données, là. Yakoul, dha asilatan l'ijabatil ta'aliyah. Première réponse. Yaftahu ashabul ma'arid naharan wa leilan. Que les gens des magasins ouvrent de jour et de nuit. Attends de trouver la question monacée. Ara amami mahallatin tijariya. Je vois devant moi des boutiques, on va dire. Là-bas, c'est des lieux commerciaux, mais c'est des boutiques. Thalithan, yashtari minha an-nas. Les gens en achètent. Minha, ça vient mahallat tijariya. Yaqillu al-izdiham alayha naharan. Que là, il y a peu de monde de jour. C'est-à-dire dans ces mahallat. خامساً أفضل أن أشتري من محل تجدئة التجزئة serait à l'unité, je pense. Je préfère acheter d'une boutique qui vend à l'unité. C'est معنى مفرقة, je pense. C'est ça qu'il veut dire par là. Ça veut dire juz ou partiellement. Allah a'lam, ce qui m'apparaît. Donc, هذا اللي غد من الخامس بل من الرابع إلى الثامن فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.